Le groupuscule terrorise des gens qui ont raison, je suppose. Ok, on arrête les vannes et on se remet au boulot.